89,1 FM à Ottawa. Pic. Alors, bienvenue sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Vous êtes présentement avec une émission temporaire qui s'appellerait du moins La Foutaise pour les prochaines 4 semaines. Aujourd'hui, on a décidé de se concentrer un petit peu sur la musique industrielle, instrumentale, je dois dire. Alors, ce qu'on va entendre aujourd'hui, il va y avoir du Ministries qui vient jouer une pièce qui s'appelle The Corrosion, de l'album Psalm 69. On va avoir du Frontline Assembly, du George S. Clinton, du Trent Reznor, du Die Krupps et du Killing Joke. Alors, c'est ça. C'est une émission qui va probablement changer de format d'une semaine à l'autre. Pour les gens qui n'aiment pas l'industriel et puis qui pensent que ça, c'est un petit peu trop bruyant cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir des musiques un petit peu plus tranquilles, de la musique basée sur du piano, des cordes, du violoncelle, etc. Style du Joran, du Raintree Crow, du Japan, du Medieval Babes et Vespertina. De la musique de ce genre-là, alors la semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu plus mellow, si on veut. Alors, pour les gens qui trouvent ça un petit peu difficile cette semaine, parce que c'est de la musique qui va quand même faire percer les tympans, revenez-nous la semaine prochaine, ça va être relativement intéressant, ça va être de la musique vraiment tranquille, de la belle petite musique pour manger votre lunch et puis prendre votre dîner, donc de midi à 1, qui est la période pour laquelle on va jouer aujourd'hui. Alors, c'est ça, donc la prochaine pièce, c'est une pièce de George S. Clinton, on retrouve ça sur la trame sonore de Mortal Kombat Annihilation. C'est une pièce de 2 minutes 30 secondes et ça va suivre après ça avec du Frontline Assembly, une pièce de 8 minutes qui s'appelle Corruption sur les ondes de CHUO 89.1 FM. We'll be right back. CHUO89.1 FM. Votre diversité, votre radio. C'était Nol sur les ondes de CHUO 89.1 FM, où vous êtes sur l'émission La Foutaise, qui était anciennement Gaia Spec. Malheureusement, ils sont partis en vacances, alors on va remplir les prochaines 4 semaines avec de la musique variée. Et donc, cette semaine, c'est de la musique industrielle. C'était Nol avec une pièce qui s'appelle Driven. C'est un petit groupe peu connu. Je pense que c'est même quasiment un album démo. J'ai remonté ça à 5 piastres une fois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. La tune d'avant, c'était une tune de Trent Reznor, originaire de Nine Inch Nails, comme tout le monde connaît. C'est une toune qui vient de la trame sonore Lost Highway. Alors, c'est ça, c'est une journée industrielle, c'est tout instrumental. La prochaine chose qu'on va vous faire jouer, c'est l'industriel un petit peu plus de base. C'est donc plus des percussions, du tapage sur des cannes, des conneries comme ça. C'est une pièce qui était originalement 30-quelques minutes de long. C'est par un groupe qui s'appelle Die Krupps. Un groupe allemand qui date de, je sais pas, 81-82. Alors, la pièce que j'ai, comme je disais, c'est initialement une pièce de 30 minutes. C'est une forme abrégée de quasiment 14 minutes que j'ai. Mais comme c'est vraiment long, puis c'est un petit peu difficile à écouter à cause, au fond, comme je disais, c'est juste des percussions, ils tapent sur des cannes, ils font une sorte de bruit par rapport. Ça se peut que je coupe ça à mi-chemin quand je commence à m'ennuyer. Puis là, à ce moment-là, je ferai jouer quelque chose d'autre. Peut-être un remix d'une de leurs tunes plus récentes qui s'appelle Crossfire. Alors, c'est juste pour vous donner peut-être une idée de comment ils ont commencé, puis à quel point ils sont rendus en ce moment. Donc, un petit peu une idée de où est commencé l'industriel, puis où on est rendu à ce moment-ci. Alors, c'est ça, ça va être une pièce qui s'appelle Stahlwerks Symphony de Die Krupps. Thank you. Alors, c'était The Crups avec Crossfire. C'est un remix de Jim Martin, anciennement de Faith No More. Alors, c'est ça, c'était une composition là, de un de leurs vieux morceaux, Stalwart Symphony, et puis un de leurs plus récents. Alors, pour vous donner une idée là, du contraste, évidemment, il a fallu que je coupe la tune originale à moitié à cause de vraiment, vraiment longue, tout ce que c'était, c'est des percussions, comme vous avez pu entendre. La prochaine chose que je vais vous faire jouer, c'est un autre remix. C'est un remix d'un groupe qui s'appelle Killing Joke. Normalement, c'est plus du genre hard rock, metal, industriel, mais dans ce cas-ci, c'est un remix un petit peu plus tranquille. C'est comme une combinaison un peu de ce qu'on vient d'entendre, genre la grosse composition de percussion, puis le remix de Crossfire. C'est du keyboard, puis des sons dans le background, etc. C'est un petit peu plus tranquille, mais c'est vraiment intéressant. Ça dure à peu près 11 minutes. Alors, on va finir l'émission avec ça, et puis prochainement, on va avoir... l'émission de Vincent, donc, avec Global Views. Merci, Vincent. Il est déjà ici. Alors, on vous quitte. On revient la semaine prochaine avec une autre émission de La Foutaise qui va être un petit peu plus tranquille. Ça va être du Joran, ça va être du Medieval Babes, etc. Alors, bonne semaine et bonne fin de semaine à tous. Et on se reparle la semaine prochaine. I'm gonna go get some more.